Salut à tous et bienvenue dans Solid Gold. J'espère que vous allez bien. Solid Gold, chaque semaine, c'est votre émission de variété anglo-saxonne. Vous pouvez la retrouver également sur internet sur solidgold.mypodcast.com. Et nous avons un album fil rouge, comme chaque semaine. Ce soir, nous allons dans les années 80. Vous l'avez entendu, en 1983, c'est le groupe Earth, Wind and Fire qui va nous accompagner avec son album Powerlight, un album qui est donc sorti en 1983 et qui venait juste après l'album Raise, où il y avait le méga tube Let's Groove. Powerlight, c'est le dernier album d'Earth, Wind and Fire à avoir vraiment eu un gros succès aux États-Unis. Après, c'est un petit peu descendu jusqu'à ce qu'ils se fassent virer de leur mythique label Columbia à la fin des années 80. Earth, Wind and Fire, c'est un groupe qui s'est formé en 1969. Et oui, c'est un très vieux groupe. Il était composé de Philip Bailey, qu'on a connu aussi pour ses duos avec son duo avec Phil Collins. Mais il y avait aussi Maurice White, qui était le chanteur leader du groupe. Et puis, il y avait aussi le frère de Maurice White, Fred White. Il y avait aussi Vernon White. Toute la famille White était là. Et plein d'autres membres, musiciens et chanteurs. Earth, Wind and Fire, c'était un groupe aux États-Unis qui donnait des shows assez psychédéliques. On a entendu le premier single de l'album, qui était un gros succès, Fall in Love with Me. On va retrouver tout de suite le deuxième single de l'album, qui avait très bien marché aussi aux États-Unis puisqu'il s'est retrouvé dans les 20 premiers du Billboard. Ça s'appelle Spread Your Love. C'est le groupe Earth, Wind and Fire qui est la vedette de ce Solid Gold numéro 274. C'est parti. say I love you enough till it's too late. It's not too late. Our hearts are hungry for the food that won't come, and we could make a feast from these crumbs. And we're all staring down the barrel of a gun. So if your life flashed before you, what would you wish you would have done? Yeah, we gotta stop looking at the hands of the time we've been given. If this is all we got, then we gotta stop thinking if every second counts on the clock that's ticking. Gotta live like we're dying. We only got 86, 400 seconds in a day to turn it all around or to throw it all away. Gotta tell them that we love them while we got the chance to say. Gotta live like we're dying. If your brain fell out of the skies, who would you call with your last goodbye? Should be so careful who we let fall out our lives. When we long for absolution, there'll be no one on the line. Yeah, we gotta stop looking at the hands of the time we've been given. If this is all we got, then we gotta stop thinking. If every second counts on the clock that's ticking, gotta live. Chris Allen dans Solid Gold avec Live Like We're Dying, et juste avant June Pointer, échappé des Pointer Sisters avec Why Can't We Be Together. C'est le groupe Earth, Wind & Fire qui nous accompagne ce soir avec son album Powerlight, un album de 1983 où l'on retrouve tout ce qui a fait le succès d'Earth, Wind & Fire. On y retrouve les trompettes, les rythmes, l'enthousiasme que le groupe pouvait mettre dans ses albums. Le titre qu'on va écouter maintenant a été le troisième single de l'album, qui a plutôt bien marché aux États-Unis, qu'on connaît pas du tout en France, qui n'a pas du tout traversé l'Atlantique. La chanson s'appelle Side by Side, et on aura ensuite un extrait du dernier album de Corinne Bailey-Ray, la chanson I Do It All Again. One year ago, I was touch and go. Time made me see, solve the mystery, taught me that love and time will change your mind and make it right. Bring your darkness to the light. My heart sings in the night. My love I bring to you. Hey. candlelight and you. It took me a long time to see it clear that love will last for many years. Dreams do come true, so I bring my heart to you. Yeah, yeah, yeah, yeah. With this love, with how long I dedicate to you, yeah, yeah, yeah, yeah. To you, how we make it, yeah, yeah, side by side for love we want.

des chansons qui ont fait le tour du monde et qui sont restées dans le cœur de tout le monde, comme à l'instant Be My Baby des Ronettes, ou des chansons un peu moins connues comme Baby Baby Don't Cry, juste avant, par Smokey Robinson and the Miracles. C'est chaque semaine le credo de Solid Gold qui vous fait découvrir la variété anglo-saxonne des années 50, on va dire, jusqu'à maintenant, en mélangeant allègrement les époques, les styles et les chanteurs. Earth, Wind and Fire, c'est notre groupe fil rouge de ce soir. Notre album fil rouge, c'est leur album Powerlight de 1983. La chanson qu'on va écouter maintenant s'appelle Straight from the Heart et indique une des différentes directions que pouvait prendre le groupe dans chacun de ses albums. Et après, on se transportera dans le temps et on ira un petit peu plus avant avec Miss Peggy Lee et The Alley Cat Song. Yeah. each night like an alley cat, looking for some new delight like an alley cat. You know she can't trust him out of sight, and there's no doubt of that. He just don't know wrong from right like an alley cat. He meets them and loves them, and loves them like the cats are nobodies. I mean, that's no way to treat a pal. She should tell him scat. Aren't you sorry for that gal with her alley cat? Don't ever go. Continuons sur la lancée qui, depuis 6 ans, lui fait reprendre les grands standards de la chanson américaine. Barry Manilow vient de ressortir un nouvel album qui s'appelle The Greatest Love Songs of All Time. Et sur cet album, très romantique bien sûr, il reprend la chanson qu'on vient d'entendre, The Look of Love. Enfin, on vient d'entendre la reprise de Barry Manilow, The Look of Love, une chanson écrite par Burt Bacharach pour le film Casino Royale et qui était chantée à l'origine par Dusty Springfield. Earth, Wind & Fire, l'album Powerlight, c'est notre album fil rouge ce soir. On continue à le dérouler tout au long de ce Solid Gold. On va maintenant écouter une chanson qui s'appelle The Speed of Love. Et puis juste après, on aura Marta Sanchez, chanteuse espagnole émigrée en Argentine, qui sur un de ses albums reprenait en anglais une de ses chansons, Where the Love Never Ends. Close our eyes. Desire. hidden in the shadows. Play it safe or not at all. Gotta live as if it matters. Mystery tramp, but now you realize his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel? Vous n'êtes pas dans une cave enfumée qui joue du jazz. Vous êtes bien dans Solid Gold, votre émission de variété anglo-saxonne qui aime bien s'encanailler de temps en temps du côté de cette ambiance rendue par Mike Catalano et son Mr. Swing. Juste avant, on avait un des monuments de la chanson américaine, Bob Dylan, avec une chanson très connue, Like a Rolling Stone, Freedom of Choice. Et c'est le morceau d'Earth, Wind and Fire qu'on va écouter maintenant, extrait de leur album Powerlight, qui nous accompagne tout au long de l'émission. Et ensuite, on aura Gladys Knight and the Pips, qui eux aussi reprenaient un standard de la chanson américaine, Put a Little Love in Your Heart. Take it back.

Chaque semaine, vous prenez un grand shaker, vous mettez de la soul, du jazz, du rock, de la pop, de la country, de la chanson, de la variété anglo-saxonne. Vous refermez, vous mélangez le tout et ça vous donne 2 heures de bonne musique. Et tout ça, ça s'appelle Solid Gold. On essaye de vous donner le meilleur de la variété anglo-saxonne et de vous faire découvrir un album dans son intégralité. Ce soir, c'est l'album d'Earth, Wind & Fire, Power Light, qu'on va retrouver tout de suite, juste après que je vous aurais dit que l'on vient d'entendre le groupe The Elgins avec Darling Baby, et puis juste avant le tube d'Elton John, Goodbye, Yellow Brick Road. On va entendre un morceau extrait de l'album, donc Power Light, Earth, Wind & Fire. Le morceau s'appelle Something Special. Ensuite, on ira dans les années 60 avec Dionne Warwick et Getting Ready for the Heartbreak, et puis Daryl Hall et John Oates, Did It in a Minute. Same old game we used to play. remain safe. The flames, ow, the burning flames. Off the Mars, the verses, well, they got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep a turn on. So excuse me for getting these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Oh, the thing is, what I really mean, baby, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is your song. It might be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Tout à l'heure, nous avions Elton John dans Solid Gold, et à l'instant, c'était une chanson d'Elton John, Your Song, vous l'avez certainement reconnue, mais elle était chantée par Harry Connick Jr., et c'était cet extrait de son dernier album, où lui aussi, décidément, c'est une épidémie, reprend des standards. Juste avant Harry Connick Jr., nous avions Letta avec You Touched Me. Heart to Heart, c'est l'extrait de l'album Power Lighter, Fun and Fire qu'on va retrouver tout de suite, puisque c'est notre album fil rouge ce soir. Et ensuite, on aura les Mills Brothers avec Glow Warm. Down, and you're out, and you feel like you wanna shout. shine, little glowworm, glimmer, glimmer. Shine, little glowworm, glimmer, glimmer. Lead us less too far, we wander. Love's sweet voices calling yonder. Shine, little glowworm, glimmer, glimmer. Hey there, don't get dimmer, dimmer. Light the path below above and lead us on to love. Wire glow for the female of the species. Turn on the AC and the DC. This night could use a little brightening. Light up, you little old bug of lightning. When you gotta glow, you gotta glow. Glow, little glowworm, glow. Glow, little glowworm, glow and glimmer. Swim through the sea of night, little swimmer. Thou aeronautical boevil, illuminate yon woods primeval. See how the shadows deep and darken. You and your chicks should get to sparking. I got a gal that I love so. Glow, little glowworm, glow. Turn the key on. You are equipped with taillight neon. You got a cute vest pocket master, which you can make both slow and faster. I don't know who you took the shine to, or who you're out to make a sign to. I got a gal that I love so. Glow, little glow and glow. Thank you. Everywhere I go, Eliane Elias dans Solid Gold avec un standard aussi, The More I See You. Et puis à l'instant, c'était Peter Cetera qui a été le chanteur du groupe Chicago dans les années 70 et au début des années 80. Et à la fin des années 80, il reprenait pour l'un de ses albums et en solo une chanson du groupe Chicago, You're the Inspiration. Nous arrivons à la fin de ce Solid Gold. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur votre radio. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission de variété anglo-saxonne où nous aurons un nouvel album fil rouge, comme l'était ce soir l'album d'Earth, Wind & Fire, Power Light. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur internet sur solidgold.mypodcast.com. Le dernier extrait de l'album Power Light of Fun and Fire que nous allons écouter maintenant s'appelle Miracles. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne nuit et faites de beaux rêves. Salut! Can see. Thank you.